Allô? Générique! Is everybody ready? Well, alright! One, two, three, four! A perdu son chien policier, celui qui lui. That'd be cool! Station, station, la station de la station. Bonsoir. Je suis Roger Delisle, c'est pas Bicool. Vous écoutez Vaticool, diffusé en direct depuis les prestigieux studios Crackroom. Sur Station Station, la station de la station. Porte d'Aubervilliers, 75-018, Paris, jonction 18e-19e, la gare des mines est aux couleurs de l'été. Et vu l'ambiance qui règne dans les bureaux, l'été est arrivé sans crier gare. Notre pape à tous, Eric Steele, passe sa vie entière en lunettes de soleil et serviette autour du cou. Pasteur Charles est en bikini et puzu, fidèle Sherpa caribéen, recommence à parler le créole de son île et se cacher dans les plantes qu'il trouve. Apparemment, il vivait dans la forêt, enfin, ou quelque chose comme ça. Dans sa grande mansuétude, après avoir fait construire une cathédrale, Vaticool a donc décidé d'offrir une plage à la gare des mines, grâce à l'argent des sponsors. Périphérique submergé, Marie la nuit trace sa mort en jet ski, tandis que Lionel lit des bouquins en prenant le soleil. Et parce que ça n'a aucun rapport, sinon cette envie tenace de faire la fête, Vaticool a aujourd'hui trois invités. À ma gauche, l'Italie. À ma droite, le Bordelais. Face à moi, la Bretagne. Dites bonjour les filles. Allez, dites bonjour aux gens. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pilori dans notre émission. Elles sont jeunes, elles sont belles. Certaines ont même des hashtags populaires à leur nom. Oui, Karine. Sans technique, rien ne peut se faire. Alors, vous commencez à en avoir l'habitude. À la régie, l'inénarrable Sandra Toucou. On va partir sur un premier disque et on discute ensemble pendant une heure pleine de chaleur suave et d'odeur des embruns. Soleil d'été, joie du rosé, vertige de l'amour, vous écoutez l'épisode 14 de Vaticool, aujourd'hui en compagnie de Pilori. Station, station. La station de la station. Allô? Fatty Cool. Et bonjour, Fatty Cool épisode 14 en compagnie de Pilori. Alors, Pilori, qu'est-ce que c'est? Et on va tout de suite commencer par Elisa, qui va nous dire, c'est donc Elisa l'Italie, à ma gauche, qui va eh bien, nous dire ce que c'est Pilori. Bah, Pilori, c'est juste notre association de trois filles qui a envie de promouvoir des concerts sur Paris et changer un peu la mentalité, un peu pas originale que parfois, malheureusement, il y a ici, quoi. Donc on a envie de mettre un peu... Ah, on attaque donc, on attaque directement le vif du sujet. Donc voilà, juste on essaye... Que ça va plaire ou pas, bah, on va les découvrir avec les temps, mais de donner un truc, une touche, quoi. C'est génial, j'ai l'impression que j'ai une Italienne qui a mangé Pasteur Charles au niveau du discours, c'est formidable. Pasteur Charles, c'est pas le moins. Hein. À tout moment, il peut Pasteur Charles qui, à tout moment, effectivement, peut débarquer dans le studio. Donc attention, je n'ai pas encore de jingle Pasteur Charles, mais on en composera un, l'arrivée de Pasteur Charles. Bref, au-delà de ça, donc Pilori a quand même des vérités artistiques, du coup. Oui. Donc, bah, on va dire que c'est quand même une boîte de production à long terme qu'on envisage de produire des concerts et essayer. Bah, les boots, c'est juste deux choses. Un, que les gens s'amusent. Et deux, une qualité artistique. Trois, l'argent, bien sûr. Et trois, l'argent avant tout, bien sûr. Pardon. Et toi, si je peux me permettre, pardon, bien pardon, sûr, pardon, c'est, pardon, je ne suis pas coupé un chèque de mou. Excusez-moi. Juste une qualité et une opportunité pour des choses qui sont de la découverte, quoi. De la découverte indépendante. Du bizarre, un peu? Non. Non, pas, rien de bizarre, d'accord. Ça ne va pas être un truc partout, SM, c'est que... définition du bizarre. Pas, alors, c'est marrant parce qu'on n'a pas vraiment la... Non, je pensais musicalement du bizarre, mais... Mais bon, après, si, pourquoi pas la partout aussi, tu vois, tu me diras... Non, que des concerts, des... Très bien, donc Pilori est une association garantie sans partout. Là, on perd déjà des auditeurs. On perd des auditeurs, là. Et vraiment, voilà, quoi, on essaie de donner de la qualité. Après, c'est le public qui va juger, hein, pas nous. D'accord. Le 7 mai, hein, d'ailleurs. Oui, parce que effectivement, il y a déjà eu une Pilori, d'après ce que j'ai vu. Non. Alors, le lancement est fait. Le lancement est fait. Voilà. Le Pilori est lancé sur la comète. Sur Facebook. En fait. Sur les réseaux sociaux. Sur les Facebook, Twitter, Instagram, non, Pinterest. Non, encore Twitter, Instagram. Allez, un petit Twitter. Bien sûr, un petit Twitter. Non, les Twitter, c'est pour la politique. Pas moi. Ouais, moi je peux. D'accord, ok, le Twitter, c'est pour la... Très bien. D'accord. Alors non, on ne fait pas comme Macron, les Twitter, machin, moi je vais pas des Twitter. Ah, j'ai pas suivi les tweets de Macron. Alors moi non, plus, je connais mieux les tweets de Donald Trump. C'est un truc dans sa tête. après. Karine Grouel, si tu veux t'exprimer, tu t'exprimes, oui, dans le micro, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, oui. Ok, putain, bonne ambiance. Tu parles aux gens et les gens t'écoutent, ils sont heureux de t'entendre. Ok, mais les gens t'écoutent déjà. Et du coup, d'ailleurs, on va passer à toi, Karine. Et c'est la Bretagne. Bonjour, la Bretagne. La question, c'est quoi? Pilori, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? D'où sortez-vous? Qui êtes-vous? Quels sont vos réseaux? Là, on va faire couverture du point. C'est parti. C'est un peu chaud, là. Qui on est? Dans le micro. Meufs. Très concrètement, trois meufs, effectivement. Oui. Et après, je pense que trois copines, en fait, qui sont juste un petit peu rencontrées au hasard des coworking à la con. Et puis, qui se sont dit que... On avait des bosses où c'était sympa, hein, ce qu'ils font. Hein. C'est sympa ce qu'ils font. Hein. Mais on se marrait mieux quand on le faisait par nous-mêmes, en fait. Tu vois. Donc voilà, tout simplement. Pour qui travaillez-vous? Est-ce qu'on veut dire pour qui on travaille? Vas-y, dis. Travaille pour qui déjà? Moi, je travaille pour ma gueule, on primo. Tu travailles pour toi-même, je travaille pour ma gueule, mais moi. C'est attends. Le mec a sorti un disque, en fait. Ah, mais oui, j'ai sorti un disque. Attends, on en parle à la fin des annonces. Mais... Mais oui, d'après certaines rumeurs, tu serais Besterlangs, Karine Grouel. Ah, j'en étais sûre. Alors, je ne suis pas Bester Lang. Alors, tu n'es Bester pas... Bester Lang, qui est Karine Rouel, s'il vous plaît. On a déjà eu cette conversation. Tu vois, mon succès sera vraiment atteint quand les gens se diront « Mais en fait, ce n'est pas Bester Lang, c'est Karine Rouel. » Tu vois, Est-ce que... Voilà, ouais. Mon vrai succès, ce sera quand on hashtagera, tu vois, on fera des hâtes Bester Lang, hashtag grou-grou, tu vois. Pour identifier la personne. D'accord, donc à tous les auditeurs de Vaticool, quand vous voulez identifier Bester Lang, n'oubliez pas le hashtag grou-grou, bien sûr. Le mec va pas comprendre. Prochaine soirée, le 7 mai. Le 7 mai au club, oui. Dans le micro. Dans le micro, je suis pas content. T'es vachement loin, tu rigoles ou quoi? Là, c'est bon. Fais profiter du monde de ta voix suave et délicieuse. Hotline 899-90, vous appelez ici. Ah bah, on se refait pas. Hein. On dirait qu'elle a fait tout ça toute sa vie. C'est formidable. tu m'enregistreras des jingles pour Vaticool, s'il te plaît. Sans déconner. Bien sûr, c'est tout ça. Soirée à venir le 7 mai, où ça? Soirée au 7 mai donc, au club. À club? À club, oui. À le club, au club. Club, je sais pas comment, nous n'aurons rien maintenant, tu vois, on est en 2018. Vaticool est une émission garantie sans écriture inclusive, donc tu peux y aller, tu peux genrer des trucs, on n'a pas peur. Les clubs, voilà. Les trucs à Châtelet avec deux niveaux. Oui, le truc à Châtelet avec deux niveaux. Qui joue? Qu'est-ce qu'on fait jouer? Donc il y a Archlove. Archlove, donc un mec de Bordeaux. Qui a été sur le Turc mécanique, Charles Pasteur. Le Turc mécanique, attention à vocation. Alors là, il lève le bras de joie, c'est formidable. Sur Tinez Ménopause aussi, il y a une cassette, il me semble. Il y a aussi Françoise Pagan, qui est sur son propre label Maison Acide, dont il y a eu l'anniversaire des 3 ans, là, à Nantes, il n'y a pas longtemps. À mon avis, où ça a bien marché. Et j'étais pas, donc c'est pour ça que je dis « à mon avis ». Monsieur Crane, qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. N'hésite pas à te rapprocher, hein, sérieusement. D'accord. N'hésite pas à te rapprocher. Là. Roger, il est quand même un mec pervers, il faut le dire. Donc voilà. Quand il dit à se rapprocher, c'est pas du micro. Mais si, rapproche-toi du micro. Et donc, Monsieur Crane, qui est sur le Turc mécanique aussi. Oui. Et ensuite, deux DJ sets. Moyo, qui fait partie du label Mind Records, enfin, qui fait partie, en fait, c'est le boss du label Mind Records. Le chef suprême. C'est ça. Et Oko DJ aussi, donc une meuf qui fait des DJs. Si vous aimez la techno, c'est the place to be, quoi. Ah, si vous aimez la techno, c'est the place to be. On s'écoute un disque? Oui. Ouais. On s'écoute quoi? J'ai du ventre de biche, j'ai du Strasbourg, j'ai du... Allez, Strasbourg, ce qu'on a dit. En avant, Strasbourg avec sexe et violence. Parce que finalement, c'est nos deux grandes passions. L'amour, sexe et violence. Sexe et violence. We'll be right back. Allô ? Ah, de retour dans Vaticool avec les filles sexy de Pilori. Il fait particulièrement beau aujourd'hui sur la porte d'Aubervilliers. À ma gauche, Elisa. En face de moi, Karine Grouel. Et à ma droite, Maxime Pelletier. Ça va ? On est toujours bien ? Oui. Il y a des oiseaux dans la fenêtre. Les bières tièdes sont-elles toujours aussi tièdes ? Elles sont toujours aussi tièdes et ça, c'est merveilleux. En même temps, les stagiaires, il n'est pas en train de faire son boulot. Le stagiaire. Qui ? Pardon ? Charles. Le stagiaire, ah. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais pas... Le stagiaire. Alors, Vaticool est une émission radiophonique qui a beaucoup de difficultés à poser des sous-titres. Mais on est très heureux surtout d'entendre enfin de un peu d'italien. Bah au moins on peut dire que c'est pas une émission raciste. Non. Voilà. Vaticool est une émission sans écriture inclusive, mais on a une caution antiraciste et ça c'est bien. Je me demandais quand on allait en avoir. On a parlé du genre, des racismes, c'est bon. Excellent ça. N'hésitez pas à faire vos blagues dans le micro hein, pour que tout le monde en profite. Du coup, donc vous investissez le club, j'ai vu qu'il y avait aussi un truc prévu à la station, un truc... Non ? Non, alors, malheureusement pas bientôt, mais là pour le moment c'est le 1er juin au Chinois à Montreuil. Donc le Chinois à Montreuil. Oui, parce qu'il fait chaud là-bas, quand à Paris il pleut, à Montreuil il fait beau quand même. Il y a un microclimat à Montreuil en effet. Un délicieux microclimat. Oui. Donc le 1er juin, on aura le plaisir de faire une soirée avec Teenage Menopause. On peut applaudir. L'émission qui applaudit. Je suis super heureux parce que tu as tout à fait compris le concept de cette émission qui applaudit, qui va t'y couler. Ça, c'est beau. Voilà. Et du coup, la programmation qui a envie de découvrir, vous allez dans Facebook, vous avez des mains, vous avez des doigts, vous avez tout ce que ça va avec. Et vous tapez @pilori prod et vous tombez des dessus. Voilà ce qui va avec. Non, mais il faut la découverte. Donc, moi, je peux juste dire, c'est une soirée en partenariat avec Teenage. Qui jouera à cette soirée? Ah bah, qui veut les découvrir va dans les voilà. D'accord, on va voir Cachette à branlette. Voilà, on applaudit à chaque artiste. Hey Matt, que l'on a écouté du coup en premier morceau voilà. De la journée. Voilà. Avec Johnny Couteau canadien. Ventre de biche. Voilà, qu'on a vu à la station il n'y en a pas longtemps. Laura Craig. J'adore quand elle le dit, c'est ça. Et des DJ sets. Décidément. Ça fait quand même une sacrée programmation. Les DJ sets, on l'a vraiment Alors, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'était un joli bras d'honneur. De la part de la Bretagne. De la part de la Bretagne. La délation. Oh, ça balance direct. Ça poucave à mort. Moi, par contre, si je peux juste dire un truc favorable. Exprime-toi, Elisa, exprime-toi. Moi, je trouve que la France, elle a beaucoup de bémols, mais la Bretagne, vivement, il y a la Bretagne en France, quoi. J'ai pas compris. Est-ce qu'on pourrait développer cette pensée, peut-être? La Bretagne, oui. Que c'est une petite région de la France. Pas si petit. Parle-moi. Mais moi, je suis hyper fan de la façon, de la culture des Bretons. Ah oui. Qu'ils ont pris plutôt du Celtic. Mmh. Celtic, quoi. Je sais pas comment vous dites. Si, on dit Celtic. Voilà. Et putain, mais vivement, il y a les Bretons en France. Vive les Bretons. Ils ont des chapeaux ronds. Vive les Bretons. Ok. Merci Elisa. Merci Elisa. Et tout de suite, la rubrique Lifestyle de Karine Grouel. Alors Karine, aujourd'hui, ta petite chronique que tu nous as prévue, c'était comment éviter les gens tout le temps dans la vie. Tu m'as pas prévenu, donc j'ai rien préparé. Pardon, mais si, tu as ta petite chronique, là, je la vois devant toi. Comment on fait, Karine, pour éviter... Paquet de clopes. Comment on fait, Karine, pour éviter les gens dans la vie? Putain, le mec balance, quoi. Pardon, mais j'ai rien dit. Il faut tout faire à contre-temps. Tout faire à contre-temps. N'hésite pas à te rapprocher du micro afin de faire profiter des gens. Sois pas timide. Effectivement, je suis un peu associable. Je te remercie de le noter et de le divulguer. Mais j'ai rien dit. Non, moi, c'est une rubrique lifestyle. Hein, ça veut pas dire forcément. Et donc, mon lifestyle, c'est de fuir les gens, en fait. Donc, comment on fait? Bah, tu évites les moments où ils sont supposés être quelque part. Donc, par exemple, quand... oui, mais non, il fait chaud, là, en fait. Tu vois. Attends, la rubrique sexo, ça vient après, t'inquiète. J'ai tout prévu. Le style. Donc, non, juste, tu évites les gens, en fait, tu vois, tout simplement. Donc, tu évites les gens. Tu vas pas vraiment... Le lundi, tu prends pas le métro le matin, déjà, tu évites... D'accord. Voilà. Donc n'allez pas travailler. Vous entendez matin, n'allez jamais travailler. Mais tout le monde a une connexion internet. Donc voilà, mais Startup Nation. Désolé, pyjama. Attends, parce que le pyjama est important. Là, j'aimerais un développement, s'il te plaît. Le pyjama est important. Tous les matins et tous les dimanches. Tous les matins, tous les dimanches, en pyjama. Même si tu vas travailler le dimanche, tu y vas en pyjama. Quel type de pyjama? Le pilou. Je sais pas ce que c'est, mais ok. C'est la matière. C'est très doux. Tout doux. C'est très doux. Ah ouais, c'est sympa ça. Ah ça, c'est repoussant. Ça, c'est sympa. Si t'as pas envie de dire bonjour aux gens, j'en ai du polaire, moi, perso. Ouais, c'est un genre de pilou, le polaire. D'accord. Mais moi, j'utilise des vrais mots, par contre. Oui, bah, excusez Bordeaux. Simplement. Bordeaux est une culture à part, je rappelle quand même aussi. Donc voilà, et après, il suffit de. Quand est-ce qu'on fait les magasins? Le vendredi matin. Le vendredi matin? Parce que du coup les. Donc t'as plus de pas faire la fête le jeudi soir? Non parce que t'as pas besoin d'un cerveau pour faire les magasins donc tu peux y aller en ayant une énorme gueule de bois tu vois. Mais par contre tu le fais pas le samedi quoi. En fait. Et tu vas pas au cinéma le dimanche et tu vas pas dans les magasins le samedi. Tu vas pas au Discardet tu vas pas acheter des vinyles le jour du Discardet. Non tu vas dire bonjour mais tu en achètes pas. Tu vas coller des affiches pour la soirée promo du 7 mai. Tu veux dire la soirée promo du 7 mai de Pilori qui se déroule à club ? C'est ça. À quelle heure elle se déroule déjà à club ? À 21h. À 21h à club avec Pilori ? C'est ça. Et ça coûte combien ? 20 euros qui veut nous rencontrer personnellement parce que... Parce que particulièrement sexy. Parce qu'ils veulent donc prendre un apéro avec Elisa. C'est 20h. Pour creuser la question. Justement, l'apéro tombe bien puisque c'est maintenant la rubrique apéritivo de Elisa. Elisa, puisque ça se dit comme ça en italien. Qu'est-ce qu'on fait pour l'apéritivo, Elisa ? Alors, déjà, voilà. Non, j'en profite pour dire un truc que je ne supporte pas. Oui. Les spritz, les vrais, c'est qu'avec du prosecco. La recette enfin, du vrai spritz. Merci. C'est qu'avec du putain de prosecco, du soda, un peu de citron, orange. Mais si tu veux du Aperol Campari, tu vas dire spritz Aperol, spritz Campari. Sinon, ça n'existe pas. C'est un peu comme la carbonara, la crème fraîche. Ah, oh, on y vient. Non, gros débat. Non, après ça va invoquer Henri Michel. On n'a pas envie. Attends, c'est la même chose. Enfin, on veut invoquer Henri Michel, mais pas dans ces conditions. Ou Saint-Antoine. Ouais. Saint-Antoine. Il faut demander à Elisa pour ça. Oui. Saint-Antoine. Après, je peux expliquer. Oui. Et d'abord la carbonara, la crème fraîche. Oui, pour les gosses qui n'ont pas dépassé l'adolescence. Mais la vraie carbonara. Il y a un âge pour la carbonara. D'accord, mais est-ce qu'on peut être après, d'accord sur le fait que il y a des mecs qui sont adolescents, que donc à 40 ans, tu les files un plat de pâtes avec lardon et crème fraîche, ça va. Mais fini l'adolescence, non. La crème fraîche, ça ne va pas avec la carbonara. Il y a des œufs. Un Français issu de la Riviera a proposé que la carbonara à la française avec la crème fraîche et les lardons s'appelle carbo. Et qu'on laisse le pasta à la carbonara en et italien. Et moi, je propose ou même Cone qui a dit elle ça. Elle a renvoyé un mail à ce mec-là, oh, tu vois. Que la carbonara, c'est Rita. Donc moi, je ne vais pas me mêler de la quiche, parce que c'est un truc français. Donc pourquoi les cons... La Lorraine, on vous écoute quand même. Bisous la Lorraine. Donc je ne comprends pas pourquoi définir la carbo sur crème fraîche. Non, la carbonara, ce n'est pas avec de la crème fraîche. Après, pour les gosses, on la met pour faire que les trucs soient plus sympas, qu'il y a de la sauce, que ça balance, quoi. Que ça balance. Que la carbo balance. Parce que d'accord, très bien. Un disque. Je vais lui demander la cuisson des biftecs. Hein. Oui, c'est pas encore le moment. Ça va prendre 10 minutes alors, pour la Bester Lang, ce que j'ai en face de moi, justement. Comment est-ce qu'on cuit un biftec, Bester ? C'est Karine en alors, face. Oui, moi. Ah, pardon, excusez-moi, je vous confonds tout le temps. En fait, j'en cuis pas parce que j'en mange pas. D'accord. Tout simple. Sur ce, je propose un... Déception, je propose un disque. Maria Violenza ? Ouais, carrément. Allez. Ouais. Ça sonne italien, il y a eu de la violence. Le morceau s'appelle Coronaria. Just a man who's trying with his cross. là je la fais pas, mais là. Station, station. On l'invite. La station de la station. Charles, viens, c'est ça, non? Non, attends, on le présente en même temps. Ah, on perd le contrôle, allô? Allô? Ah, on est en. Et on est de retour. Pasteur Charles, rejoins-nous, n'aie pas peur. Invité. Attention, attention, la porte de Fessaye. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Pasteur Charles vient d'entrer dans le studio. Et ce sera la première fois que dans une émission Vaticool en série. Ah. Et c'est la première fois que, du coup, que dans Vaticool en série. C'est pas ta bière, il n'y a pas écrit Charles. Voilà, mais donnez de. Mais laissez boire, Pasteur Charles. Est-ce que je peux donner un sondage? Il n'y a pas écrit son putain de nom dans la bière. Il arrive, il débarque ici. Je vais remettre les pièces dans la machine, n'aie pas peur. Charles Elisa. Era très sympa. Elisa. Il arrive et il pense d'avoir une bière. C'est pas écrit ça. Il n'y a pas écrit Pasteur Charles. Amore c'est mio. Pas sa bière, quoi. C'est pas sa bière. Amore mio. La cerveza. Il est écrit très précisément ici en slovaque. Pasteur Charles, tu vois, c'est là. Mais on est en France. France, on s'en fout. Pilori, République identitaire. Non, on s'en fout parce que comment. Là, je voulais faire remonter les auditeurs. Je perds le contrôle de mon émission. C'est génial. Laisse-moi Charles parler. C'est ça quand j'arrive dans un, tu vois, dans un talk show, ce qu'on appelle, hein, les grosses têtes. C'est complètement les grosses têtes. Oui, mais les grosses têtes, ils n'ont pas les droits de boire. C'est fou, quoi. Non. Tu crois que Pierre Bénichou, il est sobre? Attends, sans déconner. Hein. Bah, écoute, les jours que tu vas t'appeler. J'espère qu'il n'est pas sobre. Non, les jours que Charles, il s'appelait Patrick Sébastien, il va voir. Non, veto. C'est ça. Veto. Tout. Non. On perd des auditeurs. Tous les biens. Là, les audiences s'effondrent. Le sponsor me dit qu'on a moins d'argent. Là, la plage se réduit. Pardon. Le Kremlin ne paye plus que des demi. Le Kremlin ne paye plus que des demi, merde. Donc voilà. On est de retour, du coup, en compagnie, en plus de Pasteur Charles. Bonsoir. Comment ça va? Écoute, ça va, il fait beau. Tu as vendu beaucoup de disques lors du Discard Day? J'en ai vendu quelques-uns. Est-ce que tu peux le dire dans le micro, parce que les gens ne t'entendent pas? Non, là, je t'entends pas, là. Écoute, y a les micros sont... Voilà. Ils ont des gros poids, les micros. Alors oui, j'en ai vendu pas mal, notamment des disques de Monsieur Crane. Qui sera des là, disques de Monsieur Crane. Voilà, comme ça, on fait un très bel enchaînement. Venez le 7 mai. Tu veux dire qu'il sera là le 7 mai à Club, à 21h? Au Club, c'est quand même un peu... Chez Club. Les Clubs. Je dis chez Club. chez Club, ouais. Sourd coiffeur, on dit. Mais ce qui est très bien, c'est que c'est un disque malgré tout sold out, au même titre que celui d'Archlove, ce qui est quand même très bon signe. Peut-être que la soirée peut aussi suivre. Oui, ça serait bien. Sold out. Y aura-t-il avec ses 52 attendis. Moi, je veux une info exclusive. La vraie question est, est-ce que tu seras là pour faire un peu des DJ set surprise? Alors, il fallait pour ça payer 200 balles. J'ai proposé à Karine, elle m'a dit va te faire enculer. J'ai pas dit ça, j'ai dit que ça faisait trop de drogue au mètre carré. Vaticool est une émission évidemment qui ne se drogue pas et ses invités non plus. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais bref. Après, Karine Gros, elle est quand même connue pour ses abus. Quoi. Je veux dire, on la connaît quand même pour la ramasser. C'était le rider avec le kilo de kétamine. Karine, c'est une fille qui abuse culturellement parce qu'elle a un super cerveau. Je sais pas si c'est un problème de cerveau, je pense que c'est un problème de nord. Tu mélanges Lorient-Lille, tu vois, c'est. Ça pique. Et moi, ça mérite un applause pour la Bretagne. Alors, on applaudit la Bretagne, la Bretagne sur une source de bien vivre. Avez-vous vécu la Bretagne? Alors moi j'ai récemment vécu la Bretagne. Je suis allé à ce festival qu'on appelle le Festival 13. Je n'ai croisé personne, hein, évidemment. Parce que tout le monde a fait semblant d'y aller mais personne n'y allait. C'est arrivé le dernier Karine, jour. Karine, Grougou y était. Grougou y était. Voilà. Je veux dire le hashtag Grougou y était. Oui. Hashtag Grougou y était, ouais. J'y étais le vendredi et le samedi. Bah, elle a raté le meilleur. Le dimanche. Ouais, c'est quand même donc, bon. Voilà, tu as mis voilà. Un silence. Et bien voilà, moi je suis venu le dimanche. Non, c'était très bien, écoute, hein, ma foi, c'était un beau festival, faudra aller à Vision. Et leur donner de l'argent surtout, parce qu'ils n'en ont plus, puisqu'il n'y avait personne pendant tout le festival, et ça c'était quand même assez triste. Et si je peux avec me permettre, il faut quand même investir dans des festivals comme ça, on va dire comme un petit comme Vision, mais qu'ils ont de qualité. Fac, les grosses rock and scène, on l'incule à sec avec du gravier. Il faut du Vision, il faut j'espère du 13. Moi j'adore PNL. Hein. Moi j'aime bien PNL. PNL rock and scène, bien sûr. Je trouve que PNL c'est quand même mieux que François Ferdinand. PNL. Au choix, je préfère rock and scène maintenant que rock and scène avant, tu vois. PNL qui sont passés sur France Inter il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et si, PNL, pas que France Inter, Rock en scène aussi, c'est l'album de la maturité. L'album de la maturité. Ah d'accord. Ouais. Oui, ça a maturé. Oui, mais au bout des moments, au bout des moments... C'est pas le problème, en fait, je vois pas pourquoi on parle de ça avec Vision, en fait, parce que là, on ne concurrence pas. Parce que c'est des festivals de rock. Oui. Ouais, je vois toujours pas le lien avec rock en scène. Sinon. C'est pas moi qui posais ça, sur la table. Sinon, donc le 7 mai, c'est ta club, c'est ça? Tout à fait, c'est rock aussi. Hein. C'est rock aussi? Oh putain, y'a pas une seule guitare dans l'affaire. C'est quand même la soirée rock, oui. La soirée rock de l'année, garantie sans guitare. C'est ça. En précise. C'est vrai que ça devait être assez facile, les riders, quoi. Une planche, et puis ouais, voilà. Quoi, des tréteaux, à la rigueur. Ouais, voilà. Une planche et des tréteaux, et on a une bonne soirée. Maxime, il est où l'after? Il y en a plein. Ici? Ici? On peut commencer. Je travaille, non, je travaille à 20h, hein, les gars. Je vous le dis comme ça. Excusez-moi, j'ai complètement perdu par mon arrivée. Je suis complètement perturbé. C'est la première fois qu'on entend la voix de Pasteur Charles, qu'on a beaucoup cité dans Vaticool. Notamment à cette époque où il a quand même volé une fois l'argent des sponsors. Et sorti mystérieusement un label avec un disque de Puzu Puzu. Oui, j'ai sorti un deuxième label avec l'argent des sponsors, j'ai fait ça. Alors oui, qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Eh ben oui, on pourrait écouter quelque chose de bien. Est-ce que t'as ça toi en catalogue ou est-ce que c'est la sélection habituelle? J'ai des trucs... Non. Si, j'ai des trucs bien en catalogue. Schweffengelb, c'est bien ça? C'est quand même... ouais, bon. Manis en délire. Non, Manis en délire, c'est hyper cool. Alsace. À la rigueur, eux, ils ont plus besoin. Donc, Ah bah tiens, vu que vous avez on a besoin. On n'a pas un petit Archlove des familles? Si, Archlove, on a. Voilà. Non, on n'a pas Archlove. Il a été censuré. Il a pas téléchargé Archlove. Charles, c'est le mec que t'invites chez toi et qui passe seulement les disques du Turc Mécanique en soirée quand même. On a besoin. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Je fais comme ça, je vais monter les vues YouTube pour gagner de l'argent. Le mec qui vient dans Vaticool pour n'écouter que du Turc Mécanique quand même. Bah, c'est pas l'Alzheimer, je me rappelle plus trop de ce que j'ai sorti. Et tout de suite, on écoute Manis en délire avec Alstagswood. We'll be right back. Alors, on parle de stagiaire abîmé. On parle de stagiaire abîmé, mais... Et de musique de nazi. Voilà, c'était mon petit jingle. Merci pour ce jingle. Mmh. J'espère que tu l'as enregistré, celui-là. Et on arrive à la fin, du coup, de cette émission, malgré tout. Alors, le Turc Mécanique, promo, prochaine sortie. Ça arrive. Jardin. Oh, on se calme. Ça vous a plu, quand même? Vous êtes contente? Oui. Vous reviendrez me voir? Oui, on reviendra. Excellent, ça. On revient, attends, non, on reviendra la prochaine fois qu'il y a les trucs mécaniques et l'interview à faire la guest. Ouais, venez faire la guest, non, moi, tu sais, mes interviews, elles sont pas très, tu vois, ouais, ça va. Bah, on le sait, c'est pour ça qu'on va venir. Hein. On viendra animer ta soirée. Allô, bonjour. Donc, des annonces. Bon Dieu de merde. Merci. J'ai perdu mon chat. Non. Merci Hamza pour la cuisine. Allez manger le midi à 9B, la nourriture est bonne. Bistrot de quartier comme on aime, c'est simple et c'est bon. Et cette semaine, notre sponsor, le Kremlin, situé au 6 rue André-Antoine, lance sa carte de l'été. Baptisée le Last Tang, elle se compose de l'Alléluia, Club Mix, un punch clarifié à la vodka, cerise, thé vert, agrumes et yuzu. This is not a love song, notre twist du porn star martini. Vodka, vanille, fruit de la passion, abricot. Le Red Right Hand, un Negroni à la Tito's, vodka américaine de maïs, avec un twist de Grand Classico, autre amer italien à l'orange. Le New Ice Age, le summer drink par excellence, thé vert, thé glacé au Beefeater, gin et sirop de thé vert aux pétales de rose et violette. Le No Tears, un bourbon Four Roses, un sirop de pomme au vinaigre de cidre, l'apéritif normand à la pomme 30 et 40, et du cidre de chez Sassy la famille. L'ombre des oiseaux, caresser sa peau. Rome Havana, siete añeros, bitter café, sirop de miel aux épices, liqueur de banane, lait de coco. Elle bronzée au lait de coco. Et enfin, le distance, façon Mexican mule fumé, tequila mezcal, triple sec, crème de pêche, citron vert avec un extra hot ginger beer maison. J'ai sorti mon premier disque, Roger Duyen de Digital Mix. Lance en effet le premier carré. On adore Speed, tout le monde valide Speed. Il en a vendu 13. Non, là j'en ai vendu 20 et quelques. Oh, oh. C'est toujours plus bientôt que toi, Clove. Les ventes augmentent en effet, mais il faut quand même l'acheter, c'est important. Sorti chez Gonzai Records, le premier disque donc s'appelle Speed. Il coûte 6€, il est disponible chez Exodix et chez Born Bad Records. Également en ligne sur le Bandcamp de Gonzai Records. On dirait, allez m'aimer sur la page de Facebook @RogerAndTheGinTonics, ROGERANDTHEGINTONICS. Arrête, n'embrouille pas les auditeurs. Sous antidépresseur. Donc on le... salut. Oh, on se calme. La prochaine date, bah, fermez cette fenêtre. C'est le 7 mai. C'est le 7 mai pour ma soirée le Turc Mécanique, hein, on appelle ça une soirée le Turc Mécanique, sauf qu'en fait, il fallait payer pour le DJ, donc on a fait 100. Ouais. Mais malgré tout... J'ai pas fini. Oui, d'accord. On le rappelle donc, la prochaine date organisée par Pielori, c'est le 7 mai à Club. Allez-y, ce sera bien. C'est fait pour briser le seum du lundi. Est-ce auquel qu'on vous peut faire des remerciements? Non, c'est chiant. Non, juste à ma mère en Italie. Non. J'ai tellement pas de contrôle. Et donc, des bisous à ma mère. Que des coups, pas fini. Non, mais attends, juste, elle va jamais écouter cette émission, mais juste pour. J'enverrai un podcast donc, personnellement. Des bisous et ti voglio bene, mamma. Et bah voilà. Moi, j'aimerais signaler que pour la première fois, j'ai enfin retrouvé la vue. J'ai piqué les lunettes de Grou-Grou et le bon, mais vraiment magnifiquement, je ne sais pas esthétiquement. C'est vrai que tu es mais très alors, jolie. De manière à voir, si tu veux, si. Les photos de Pasteur Charles avec ses lunettes. Harry peu gros. Allô? Un peu gros. Allô? Pour qui est pas ici? Oh, galope, salope, viens d'entrer dans notre studio! Ladies and gentlemen, Tropical Horses. La légende est là. La légende, bien sûr! Dis bonjour aux auditeurs de Vaticool. Hein. Allez, n'aie pas peur, dis bonjour aux auditeurs de Vaticool. Je t'avais fait jouer à Bordeaux. Oui. Eh ben ça va, ça on se vend. Vaticool. Ça va, mon poulet? T'es content? Tu entres au meilleur moment, puisque vous pourrez me retrouver plein de fois en DJ set le mois prochain. Le 3 mai à Kremlin, chez le sponsor de l'amour, ce sera la Roger de Lille, Pape du Cool, XXXII. Dis bonjour à ta mère. 32. Et les 7 mai au club, 21h, parce que de toute façon, Roger, il faut le dire. Roger. Voilà. Allô 21h au club, les 7 mai. Ouais, c'est si, parce que c'est ça. Allô la régie, coupez le micro. Depuis que je suis rentré dans cette émission, c'est devenu un... Allô la régie, coupez les autres. On est même pas en after, on est rien. Allô, merci. Donc le 3 mai chez Kremlin, le sponsor de l'amour, ce sera la rejet de l'Ipap du Cool 32, édition spéciale Pologne. Le 9 mai à Supersonic avec le beaucoup trop beau Stanislas de la Fuse pour un all-nighter punk. Le 16 pour la Bab du Cool 33, la mécanique ondulatoire. On passe en version été, j'installe une paillote. Le 17 pour la Bab du Cool 34 à 9B, 68 boulevard de la Villette. Je jouerai disco, house PD et du punk parce qu'on ne se refait pas. Ramenez-vous là-bas d'ailleurs parce que j'en aurai un peu besoin. On fera aussi plusieurs streams spéciaux pour fêter la sortie du premier disque de Roger Delisle and the Gin Tonics disponible. Allô. Oui. Un nouveau film de Lille. Un nouveau film de l'infini. Cette fois-ci sous la seule bannière de Vaticool pour fêter la sortie du disque. Donc, ce sera Vaticool Invasion, libération des peuples opprimés, ainsi que des émissions en public qui pour l'instant sont en préparation, mais ça arrive très très vite. Au programme un sacré paquet d'invités, un générique spécial et de sacrées blagues. Dans le prochain épisode de Vaticool, on accueillera un petit nouveau dans la cathédrale. Tout se passera bien et personne ne lui volera son goûter. Je suis Roger Delisle, le pape du cool. Vous écoutez Vaticool. As-tu déjà connu l'amour ? Ouais.